Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit... Par rapport à qui, à quoi? Moi, je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Enfin, je sais pas si... Non, ça, je suis d'accord, mais c'est le point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que... Bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question... Mais, du coup... Moi, je pense, donc... Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est... Disons que... Et que voilà, quoi. Et je me dis que... Moi, je pense bêtement... Mais alors, j'en suis pas si sûr. Bah, ça dépend, enfin... Moi, je trouve, personnellement, moi, je suis... Je crois quand même que... Mais non, mais enfin, tout le monde... Non, disons... Enfin, je veux dire... Moi, je trouve... Je suis pas tellement d'accord à ce moment-là. Enfin, j'hésite entre les deux parce que d'un côté... Bon, moi, je promets, ça fait au moins 10 ans hein, que je m'ausculte, que je me regarde le nombril, que je... Que je m'analyse, que je... Ben oui, je vais voir un psychanalyste, ça fait au moins 15 ans, là, quoi. Hein, s'il y a quelqu'un qui vient me dire que je fais rien pour amener de la conscience, pour montrer que je me prends en main, que je me pose des questions, que... Eh ben ouais, je vais voir un psychanalyste depuis 15 ans. Donc, toc, on n'a rien à me dire. Je fais pour. Ok. Tu fais pour. Tu fais pour quoi, au juste? Franchement, pour que les autres voient que je suis quelqu'un d'intelligent. Pour que mon père se pose enfin des questions. Que mon mec n'ait rien à me dire parce que moi, je fais un travail sur moi-même et le monde qui m'entoure. Parce que je l'ai lu dans une revue de tendance, c'est fun d'aller chez le psy, c'est moderne, c'est le futur. Et puis il faut bien que je dépense pas que ma thune en fringues, sinon on dira que je suis superficielle. C'est génial, c'est super, c'est formidable, c'est... tu es magnifique. Mais peut-être quand on va faire la démarche, quand on fait la démarche, c'est pas quand on va faire, quand on fait la démarche comme toi depuis 15 ans, d'aller voir un psy et toutes les déclinaisons possibles de ce milieu, eh bien... Peut-être qu'il ne faut pas seulement s'asseoir, mais qu'il y a quelque chose d'autre à faire d'autre, quoi. Enfin, il y a quelque chose à faire d'autre. De peut-être, en sortant de cette rencontre psy, de ce cabinet, de cette toilette, eh bien, toilettage, ça c'est bien une toilettage, on vous refait un toilettage. Enfin bon, c'est plutôt vous-même aussi qui vous prenez en main là-dedans, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fermé la porte de ce cabinet, eh bien, c'est là que ça commence peut-être, c'est pas simplement dans ce cabinet. Je sais pas, moi. Et puis, on peut aller voir des psys et des psychanalystes toute sa vie, quand même. Hein. À un moment donné, ce sera la faute de la mère, puis après, ce sera la faute du père, et puis après, ce sera sa responsabilité à soi, et puis on grandit, on change, on vieillit, on se transforme, et puis on verra plus les choses de la même manière. Ça, on n'arrête jamais, quoi, pour finir. Voilà. Peut-être y aurait quelque chose de travailler physiquement dans le corps, quoi, un truc gravé dans le corps. Et là, on peut raconter ce qu'on veut. Parce qu'on peut se raconter des histoires aussi, hein. Je veux dire, avec le psy là en face, bah, je peux lui baratiner, je le séduis, je montre comment je suis fine, comment j'ai du recul sur les choses, vous voyez ce que je veux dire, voilà, c'est pas toujours évident. Aude, est-ce que tu préfères que je donne ton nom de famille ou bien non, c'est important pour toi ? Non, c'est pas du tout important, au contraire. J'aime autant mon prénom, c'est très bien. Je sais que c'est Aude Van, je sais pas quoi. Tu veux quand même que je le dise en fait. Ah mais non, c'est parce que c'est noté ici. Donc on se retrouve, je me retrouve dans la maison de Aude, mais dans sa maison, elle fait aussi quelque chose d'un peu particulier dans sa maison. Elle accueille des gens, mais je vais te laisser un peu expliquer qu'est-ce que tu y fais d'abord, et puis ensuite comment raconter un peu comment ça t'est venu tout ça quoi. D'accord ? Là, c'est simple ? Oui, c'est OK. Allez. C'est OK. Alors, donc, je travaille dans ma maison. C'est ça le truc un petit peu bizarre que je fais chez moi, c'est que je travaille. Donc, je suis logopède à la base et donc je travaille beaucoup avec des enfants. Et depuis peu, j'ai ouvert mes consultations à des familles, à des adultes, à des gens qui viennent voilà, pour se sentir mieux, pour aller voir un petit peu ce qui coince chez eux, pour alléger leur quotidien. Toutes sortes de choses qu'on peut faire pour avoir une vision de la vie un peu plus claire. Et ben voilà, comment j'y suis arrivée, ben tout simplement en allant creuser dans ma propre histoire, parce que je traîne comme chacun des casseroles, et j'ai passé pas mal d'années à aller voir ce qu'il y avait dedans, et donc ce que j'ai trouvé, ben voilà, c'est pas top top, donc je vais peut-être pas m'étendre sur le détail de ma vie privée qui va foutre le bourdon un petit peu à tout le monde. Mais donc j'ai, par ma propre expérience, créé une façon de travailler avec les gens. J'ai suivi beaucoup de formations, beaucoup de stages, beaucoup de développement personnel, quelques thérapies évidemment. Et donc j'ai créé une façon d'aborder les problématiques assez spéciale, je dois dire, et donc que j'appelle holistique. Donc chaque fois que je dis ce mot, je vois toujours des gens qui disent « qu'est-ce que ça veut dire ça, holistique ?» Mais donc c'est qui prend en compte toutes les dimensions de l'être, aussi bien physique, émotionnel, spirituel, énergétique, toutes les couches qu'on a, hein, tous les corps qu'on a. Et voilà, on travaille un petit peu avec tout ça, on fait un petit bout de chemin. L'idée générale, c'est vraiment de remettre la personne aux commandes de sa vie, qu'elle puisse faire ses choix, prendre ses responsabilités et avancer avec plus de conscience. C'est vraiment ça. Je pense que c'est une chose que je suis venue faire sur cette terre, c'est vraiment mettre de la conscience. Et je fais ça avec toutes les personnes qui viennent travailler avec moi, aussi bien les tout petits, à 4 ans, c'est regarde que quand tu n'as pas envie de venir travailler avec moi, qu'est-ce que tu sens dans ton corps. C'est vraiment ramener la personne à elle pour qu'elle puisse être en lien avec les autres. Voilà, en gros. Et quoi, ce serait ça, en fait, l'idée, c'est d'amener la conscience aux gens, quoi. C'est ça, c'est d'amener la conscience. Attends, parce que je... T'es plus devant le micro. Ouais. C'est d'amener la conscience aux autres. Ouais, j'étais en train de faire un petit sachet de thé, là, en même temps, là. C'est vraiment d'amener de la conscience aux autres, conscience de comment je me sens, conscience de, ah tiens, j'ai envie de pleurer, ah tiens, j'ai mal là. « Ah tiens, un tel me dit ça, mais en fait, ça me fait penser à quand ma mère, elle me disait ça quand j'étais petit, et donc je réagis, mais en fait, je réagis envers ma mère, pas envers mon voisin. » Donc ça permet de reprendre ses responsabilités et de se charger de sa propre histoire, et de plus être dans des projections permanentes, de la colère qui sort de toute façon, et voilà, on comprend pas d'où elle vient, donc il y a des répercussions, c'est... pour nettoyer un peu les relations aussi, surtout. Les relations de couple, les relations de famille, les relations de voisinage, les relations... De travail. De travail, ou quand je vais acheter mon pain, pourquoi la boulangère, chaque fois que je sors de là, j'ai envie de lui péter la tronche. En fait, la pauvre, elle n'a rien fait. Enfin, voilà. C'est vraiment arriver à amener un mouvement de conscience et de compréhension. Alors, ce qui est tout le temps là quand je parle de ça, c'est oui, mais à un moment, il faut arrêter de se poser des questions. Mais moi, je crois qu'il faut peut-être commencer à se poser des questions parce que, waouh, quoi. Je trouve que si je regarde autour de moi, c'est assez interpellant ce que je vois dans les familles, ce que je vois dans les relations, ce que je vois voilà, les parents d'enfants, quand ils vont voir leur enseignant. Enfin bon, moi, ça me fait un peu peur. Et en même temps, ça me fait aussi rigoler, quoi. Hein. Il faut toujours garder de l'humour. Et moi, qui ai souvent cette perception des différents étages dans les choses, c'est assez comique aussi, parfois. Voilà, mais du comique au pathétique, il n'y a souvent qu'un pas. Mais qu'est-ce que tu vois, en fait ? Ça m'intéresse. Qu'est-ce que je vois ? Dans les familles, dans les couples, qu'est-ce que tu vois, en fait ? Je ne vois pas grand-chose. Je n'ai pas une vision. J'ai plutôt un ressenti. Donc, j'ai un potentiel, on va dire comme ça, de perception très très fine des choses, ce que j'appelle les vibrations. Donc pour moi, tout vibre. Et donc, j'ai tout de suite des informations par mon ressenti de où sont bloquées les énergies, de qu'est-ce qui ne va pas dans telle relation ou telle personne, elle doit avoir mal à tel endroit et pourquoi ça me tombe un peu comme ça de nulle part. C'est un don, j'appelle ça un don, même si c'est parfois handicapant hein, d'avoir des perceptions comme ça, en permanence d'ailleurs. Voilà, ça m'aide à travailler en tout cas et de prendre des chemins avec les gens et d'installer aussi un climat de confiance parce que les gens se sentent enfin compris, entendus, même sans avoir besoin de parler beaucoup. Et donc voilà, je vois rien, mais je sens énormément de choses. Ok, mais qu'est-ce que tu sens alors? Alors, je sens principalement les émotions. Mais l'idée de départ, c'est ça, hein, genre, parce qu'on, tu suis la converse, hein. La conversation, c'est de dire, bah, tiens, on devrait être plus conscient, je trouve que les gens, la société, ne sont pas assez conscients, parce que je vois beaucoup de choses, les familles, les enfants, mais qu'est-ce que tu... Et puis après, tu dis pas que tu vois, tu sens, que tu as reçu un don, très bien, et qu'est-ce que tu vois, en fait, qu'est-ce que tu sens? Alors, je sens, malheureusement pour moi, peut-être, tout ce qui ne va pas et tout ce qui a besoin d'être exprimé, tout ce qui a besoin d'être montré aussi. Donc, je sens les émotions, les peurs. Après, oui, mais concrètement, ça donne quoi, genre... Concrètement, ça donne quoi ? C'est compliqué, ça. Mais non, parce que ça donnerait aussi un indice un peu sur notre manière d'être les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas vraiment à dire ce qu'on pense, qu'il y a beaucoup de frustration, que les gens ne font pas ce qu'ils veulent, que... Tu vois, donc ça donne... C'est du concret, ça. Alors, concrètement, ce que je vois, grâce à ce que je sens, hein, c'est que les gens sont en prison. En prison, dans leur propre schéma, leur propre vision de ce qu'il faudrait être ou de ce qu'il faudrait faire, et sont emprisonnés là-dedans et n'osent plus rien, donc n'osent plus parler simplement à leurs collègues et dire quand tu dis ça ou quand t'es de mauvais poil, moi je le prends pour moi. Donc il y a le lien qui se coupe, et ça se vérifie. Voilà, tout le monde peut le vérifier, tout le monde se plaint de ça finalement, tout le monde est frustré. Ce serait un système de défense. Ça. C'est un système de défense. Et donc, moi, ce que je propose aux gens, c'est d'être bien conscient de ce qu'ils peuvent faire, parce que ce ne sont que des croyances, tout ça. On croit qu'on ne peut pas dire. On croit que voilà, que les choses doivent rester comme elles sont. On croit qu'on doit avoir les cheveux blonds pour être une femme. On croit... Oui, mais ça, c'est vrai. Hein. Ça, c'est... Alors, attends, la brune ici qui assume ses cheveux gris va dire non, ça n'est pas vrai. C'est pathétique à mourir, mais voilà, quoi, les gens ont des croyances comme ça, héritées des parents souvent, héritées de la société, mais non. Mais nous aussi, on a des croyances, hein. Quand on dit les gens, nous avons des croyances. Oui. Tout le monde a des croyances, évidemment. Maintenant, je parle pour moi, mes croyances, elles me sont propres. Elles sont ce qui vient de l'intérieur de moi, qui ne sont pas des choses que j'ai reçues comme des dogmes, pas du tout. C'est des intuitions que j'ai, c'est mes propres perceptions, c'est mes propres élaborations mentales, que sais-je, qui m'appartiennent et avec lesquelles j'avance dans la vie. Et donc voilà, je pense que tout est simple en fait, les choses sont simples. Si j'arrive à parler simplement et à dire parfois, je ne sais pas comment le dire, ça va peut-être te faire du mal, mais je dis quand même, voilà, quand tu ne me téléphones pas pendant 3 jours, je m'inquiète. tout simplement, boum, ça fait tomber plein de trucs, quoi. Mais les gens ne parlent plus, les gens n'écoutent pas. Enfin, bon, bref, on a des oreilles, on a une bouche, on a des yeux, on a eu tout ça. Donc, c'est pas pour se balader avec une cagoule, quoi, sur la tête, quoi. La vie, elle est légère, elle est belle, il y a du soleil, il y a des gens super intéressants, tout le monde est intéressant. Et voilà, on doit vivre avec les autres, quoi. Mais tu crois pas comme ça que, bon, bah, les gens, moi j'en fais partie, tu en fais partie, on est toujours les gens de quelqu'un, quelqu'un. On est toujours un voilà. Tu crois pas aussi que le système, parce que moi c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est d'imaginer, de penser que tous les gens là, dont je fais partie, dont tu fais partie, ben, la société elle met pas vraiment les choses en place, le système ici, on va parler de la Belgique, hein, après évidemment il y a à échelle mondiale, ne met pas les choses en place dès la plus tendre enfance pour pouvoir vraiment être quoi, à la base, regarde comment les choses se passent dès la plus tendre enfance, l'école est obligatoire, on donne pas vraiment les choix aux enfants, quoi. Enfin, c'est un peu les rangs d'école, hein. On est les uns derrière les autres et il faut marcher à l'heure ou pas, puis faire plaisir à papa, maman, mais aussi au professeur. Et puis le professeur, s'il n'est pas pédagogue, ça crée des blessures. Enfin voilà, c'est le système, la société ne met pas tout en place aussi pour faire des individus épanouis, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais moi, je pense que on ne peut pas être dans un système et pas dans l'autre. Donc je pense que ma philosophie, c'est aussi de marcher sur deux bandes. On est dans cette société qui est celle qu'on est, qui est celle dans laquelle on vit, et donc dans laquelle on doit s'adapter. Bien sûr qu'il faut un tronc commun où les gens peuvent vivre ensemble, et pour ça, il faut des règles, qu'on le veuille ou non. Maintenant, il y a beaucoup de choses. Bon, c'est un débat qu'on peut avoir pendant des jours et des jours. Je pense qu'il y a ça qui est là, dans lequel on doit s'adapter, mais qu'il y a aussi cette part d'individu et d'ouverture et de responsabilité individuelle, de conscience, de l'impact de nos actes, de nos mots, bien sûr. Mais ces deux choses, il faut partir dans la vie avec ces deux choses-là, pas passer d'une chose où on va être un numéro dans une société à un anarchiste qui va faire ce qu'il veut, qui va aller à l'école s'il veut, etc. etc. Il faut quand même, pour moi, être entre ces deux choses-là et trouver qui on est et où on veut marcher, tout en étant en lien d'abord avec soi et puis avec l'autre, bien sûr. Mais voilà, après, c'est un grand débat. Oui, mais en tout cas, ce que je voulais dire aussi, ce n'est pas... C'est pas parce qu'on donne de la liberté à un enfant dès 2 ans et demi, 3 ans, enfin on va dire dès le début, hein, mais c'est parce que l'école commence, la maternelle commence à 2 ans et demi, 3 ans, que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de règles ou c'est l'anarchie. Et j'entendais récemment un reportage à la radio de Françoise Dolto. Tu vois, cette vieille qui a dit que l'enfant était une personne. Je sais que ça a fait rire aujourd'hui, mais c'était vraiment la révolution à l'époque, quoi. Et ça date pas des années... tu sais, ça date des années 60, quoi, je sais pas. Et c'est pas tu donnes de la liberté et à côté, c'est l'anarchie. J'ai bien compris ce que tu dis, mais pour pouvoir être dans ce système-là, d'être dans la liberté, mais avec un cadre qui va sécuriser tout le monde, tout simplement, il faut de la conscience. Parce que c'est vraiment un gros apprentissage, ça, ce dont tu parles, ce dont on parle là. L'être humain, comme il est aujourd'hui, quand je vois, je sais pas, moi, si je vais me balader dans un centre commercial et que je me dis, voilà, demain, on change la règle, l'école n'est plus obligatoire, donc à chacun de prendre ses responsabilités, mais au secours. Je suis curieuse de voir combien d'enfants vont aller à l'école. Mais ça va pas. Eh ben voilà. Mais ça va d'abord, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Je pense que la révolution, elle commence peut-être dès. Donc, il faut regarder en arrière. On s'imagine que ce serait de regarder en avant, mais c'est peut-être regarder en arrière les générations qui suivent, les petits-enfants, comment on les éduque, comment ils pensent, comment ils réfléchissent, comment ils rêvent. Et d'imaginer, juste ça, réfléchir à ça, l'école n'est pas obligatoire. Il y a plein de gens que ça va faire peur. Et justement, avec. Excuse-moi, cette vieille idée de dire que les enfants ne savent pas se prendre en main et qu'ils ne vont rien faire. Pas les enfants, moi je parle des parents. Hein. Ce n'est pas pour les enfants que je suis inquiète. Parce que les enfants, voilà, ils ont beaucoup à nous apprendre. C'est plutôt pour les parents que je suis inquiète. Vraiment. Et donc, je pense qu'on parle de la même chose, en fait. C'est vraiment la liberté dans un cadre, tout simplement. Évidemment qu'il y a plein de choses à mettre en place par rapport à ça, mais pour moi, c'est comme le tri des déchets, quoi. Si tout le monde trie ses petits déchets, ben, il n'y a plus de problème, hein. Si l'individu se prend en charge, ben, il n'y a plus aucun problème de rien. On arrive à des problèmes quand les gens ne sont pas conscients et qu'ils ne font pas leur petite part d'individu dans cette grande aventure qu'est la société, quoi, tout simplement. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Même si on prend le cas de l'école qui serait plus obligatoire, mais voilà, à partir du moment où moi, je ne mets pas de conscience pour moi-même et pour mes enfants, et que je n'apporte pas une discussion aussi simplement avec mon enfant, tiens, l'école, est-ce que tu as envie d'y aller, qu'est-ce qu'on y fait, comment, pourquoi, etc., etc. Mais voilà, après, c'est la porte ouverte à n'importe quoi, c'est la porte ouverte au divan, et vas-y que je zappe la téloche, quoi. Mais non, ça, c'est nous, les adultes, qui avons mis ces outils bien en sûr, place pour après. Mais je pense que l'enfant, naturellement, il ira d'office à l'école pour rencontrer d'autres personnes, et que ça ne sera plus dans l'obligation, donc ça change carrément la donne. Hein. Mais ça, pour l'enfant, pour aller à l'école, il faut quand même qu'on l'amène, tu vois. Donc il y a aussi quand même toute une part pratico-pratique. Jusqu'à un certain âge. Jusqu'à un certain âge, bien sûr, mais enfin voilà. Que rajouter là-dessus, quoi. Oui, c'est une belle philosophie, en tout cas, mais... Mais c'est pas que j'y crois pas, c'est que je pense que c'est pas... Si j'y crois, bien sûr, je reste avec des idéaux, mais je reste aussi très, très les pieds sur terre, quoi. Donc, j'ai une vision, je vois déjà rien qu'en logo, quoi. Les enfants, les parents qui viennent en logopédie, ou l'enfant adore être à ce bureau avec moi et à y vivre et à évoluer, à y apprendre tout ça, et à dépasser ses limites et à prendre conscience de son corps. Mais je vois aussi que souvent, c'est le parent qui ne suit pas. Parce qu'il est fatigué, parce qu'il doit bosser, en plus son boulot le fait chier. Et donc, il faut en plus aller chez la logo et elle me parle de trucs, mais comment je vais aller parler avec mon gosse en plus après? Enfin, tu vois, c'est une micro... C'est une micro-cellule dans tout un système, évidemment. Mais pour moi, c'est une question de conscience avant tout. C'est chacun avec sa conscience. Et tant que ça n'est pas là... Tant que je ne suis pas consciente de ce que je fais, tant que je ne suis pas consciente des répercussions de mes actes, quels qu'ils soient, moi en tant qu'adulte, en tant que maman aussi, je ne peux pas faire germer ça chez mon enfant si moi je ne le possède pas. Donc c'est ça, ce n'est pas que je n'y crois pas, c'est qu'il y a à la base de tout ça une conscience qui s'est perdue. Alors je reste évidemment confiante que l'individu a ça en lui, porte ça en lui et qu'il faut juste l'ouvrir. Et c'est ce que j'essaye de faire en fait, hein. Je parle de thérapie, mais parfois, c'est aussi le béaba de comment fonctionner dans le monde, quoi. Pour moi, c'est tellement évident. J'ai envie de pleurer, pleure, quoi. Viens dans mes bras, pleure, c'est tout. C'est du béaba, quoi, mais ça n'existe pas. Ah non, on ne peut pas pleurer. Ah non, on ne peut pas... Voilà, mon mari, si je verse une larme, c'est tais-toi et va au secours, quoi. Au secours. Donc oui, les idées, elles sont là. Bien sûr, je suis convaincue. Mais après, il y a la réalité. Quoi, tu veux dire que j'entends bien tout ce que tu dis, ça me parle évidemment, mais tu ne crois pas à grande échelle qu'un autre monde serait possible? De toute façon, on n'a pas le choix. L'autre monde, il est là. Il est déjà là. Et nos enfants, s'il y a autant d'enfants différents, avec autant de potentiel qui viennent mettre des coups de pied dans les fourmilières comme jamais, je pense, c'est vraiment les enfants d'aujourd'hui, le nouveau monde, il est là, quoi. De toute façon, on n'aura pas le choix. Les mentalités, elles vont devoir changer. Et bien sûr, toutes ces personnes dont je parle, pour moi, c'est la fin de l'ancien monde. C'est encore des fossiles bien solidement accrochés, mais qui vont devoir sauter. Et à un moment, voilà, et donc tu parles de l'école, va plus être obligatoire, et à un moment, ça va être comme ça. De toute façon, les gens vont devoir prendre leurs responsabilités, les enfants, et faire leur propre choix. Et voilà, donc si on ne sème pas en même temps, nous qui sommes encore de l'ancienne génération, entre guillemets. Si on ne sème pas, S-E, accent grave, M-E d'abord, et s'aimer aussi, des valeurs comme la fraternité, la solidarité, le respect, l'écoute, l'empathie, enfin toutes ces belles valeurs qui étaient déjà là dans le message de Jésus, au secours, je ne suis pas catholique, mais maintenant le Christ a véhiculé ces valeurs-là, et l'Église en a fait ce qu'elle en a fait, mais c'était déjà ce message-là au départ. Donc oui, bien sûr, ça fait partie de ce que l'individu, pour moi, doit faire à sa petite échelle. Donc moi, dans mon cabinet, c'est ce que je fais. Je respecte les enfants qui viennent me voir, je respecte les parents qui viennent me voir, je respecte le gars qui vient prendre mes poubelles sur mon trottoir toutes les semaines. Mais merci, quoi. S'il n'était pas là, comment je ferais ? Donc c'est vraiment toute cette conscience de ce petit monde qui vit autour de moi. Et j'essaye de la rayonner pour que les gens, à un moment, puissent faire « Ah ouais, tiens, c'est pas con, ça ». Juste ça, éveiller un petit peu les consciences. Et bon, si je peux déjà faire ça un petit peu, j'ai gagné, quoi. Comment on fait comme ça un petit indice pour réveiller sa conscience ? Alors, réveiller sa conscience, ben, c'est en étant auprès de soi, quoi. Donc, Jung dit, on ne peut pas créer du lien avec les autres si on n'en crée pas d'abord avec soi-même. Et clairement, c'est ça, c'est en allant reconnecter mon être moi profond, mon être à moi, mon authenticité la plus profonde, celle qui fait que je suis autre, justement, que j'ai même plus besoin d'un nom de famille. Je suis juste une vibration, une personne, un individu, et peu importe où je vis et comment je m'appelle, si je reconnecte ça, je vais rayonner ça. Et donc, dans tous les actes que je vais poser, quand je vais chercher mes enfants à l'école, quand je caresse mon chat, quand je parle avec toi, peu importe où je suis la même personne. Et donc, je vais véhiculer le même message. C'est être plutôt que faire, évidemment. J'ai plus besoin de faire pour savoir qui je suis. Donc, c'est d'abord savoir qui on est. Et on est tous différents et on a tous quelque chose de différent à porter, bien sûr. Moi, c'est ça, c'est juste rayonner, essayer d'éveiller la conscience en faisant s'interroger l'autre. Tiens, tu fais ça, mais pourquoi tu fais ça ? Alors oui, évidemment, ça peut être un peu lourd. Je suis pas facile à côtoyer à haute dose. Elle est bonne, à haute. Ouais, à haute tu dose. Tu le savais. Excellent. À haute dose. À haute dose. Haute. Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est tellement intéressant et c'est tellement précieux, quoi. C'est tellement précieux parce que du coup, ce qui se fait est vrai et immuable. J'ai l'impression, voilà, c'est ça. Quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, c'est peut-être ce fameux cadre dont on parlait tout à l'heure et que la société n'a pas. Combien de personnes font finalement des promesses, des paroles en l'air, des faux semblants et sur lesquels plus personne ne peut s'appuyer pour rien finalement. Donc voilà, c'est un peu mon petit message à moi en tant qu'individu. Et donc j'ai la chance de travailler avec des enfants à qui j'essaye de semer ça directement. Donc voilà, j'aurais peut-être dû compter depuis que je bosse combien j'en ai eu dans mon petit cabinet, mais je suis confiante que ça va bousculer un petit peu à un moment, oui, bien sûr. J'écoute. Quand tu parles, des fois, j'ai une idée, puis elle part, parce que je t'écoute, ouais, tu vois, hop, elle s'en va. Mais oui, oui tu as travaillé avec beaucoup d'enfants dans ton cabinet. Et quoi, ça serait quelque part les... Les petites graines. Oui, voilà. Ouais, les petites graines dans des petites graines, quoi. Oui. Peut-être que, voilà, elles ne partiront jamais au vent. Peut-être que si, mais peut-être déjà dans leur famille. Hein. J'ai parfois des anecdotes où parfois ça chauffe même à la maison parce que Madame Maud, elle a dit ça et à la maison, on n'est pas d'accord, quoi. Donc oui, voilà. Puis déjà rien qu'avec mes propres enfants, je sais que l'éducation que je leur donne, c'est parfois... bousculant pour d'autres, et donc voilà, et ce qui est primordial pour moi, c'est de dire ce qui est là, de dire les choses, et d'être heureux, quoi, d'être dans le plaisir, et en même temps d'être dans ce qu'il faut aussi faire dans cette société pour s'y adapter, parce que c'est en s'y adaptant qu'on va pouvoir la transformer aussi. Si on est à l'extérieur et qu'on est là en train de dire « ça va pas, ça c'est nul », mais qu'il s'y passe rien, ben voilà, donc c'est un peu stratégie du cheval de Troie, quoi. On rentre dans la société, on va faire un petit peu de tout, quoi. Ouais. Là, je réagis parce que je suis pas si sûre après l'expérience, mais évidemment, est-ce que c'est en fonction de mon expérience qu'on peut tirer des fois des principes ou des théories ? Je ne suis pas sûre que c'est en étant de l'intérieur, parce qu'il faut être assez fort et avoir du recul en même temps pour pas se laisser happer par les jeux de pouvoir. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Parce que c'est des grosses institutions, quoi, les institutions dont tu parles ou dont celles dont je peux parler. Si je prends par exemple l'enseignement ou l'institution, mais évidemment, quand on est tout petit à l'intérieur, on a beau avoir la conscience et avoir ces petites bombes, on est vite éjecté du système, quoi, bien sûr. Mais bon, voilà, après, si on est tous là avec nos petites bombes et notre petite conscience de l'intérieur et de l'extérieur, parce que des alliances peuvent se créer et. Et puis du chemin peut se faire, de toute façon on avance, hein, ça c'est clair, et l'institution comme elle était hier, elle va pas tenir le coup avec tout ce qui se prépare là, ça va, à un moment ça va, tout ça va s'écrouler quoi, tout simplement. Genre, tu penses à quoi? Parce que moi je trouve que l'institution, oui, mais elle tient quand même le coup, hein, l'institutionnel. Oui, l'institutionnel tient le coup, mais je pense que de l'intérieur, de grandes transformations s'y préparent, quoi. Ça n'est que ma perception vibratoire d'un mouvement qui est là à l'intérieur des institutions, mais je pense que, voilà, on arrive peut-être à des conclusions aussi, qu'un ancien système ne fonctionne pas. Alors oui, il y a toujours des gens qui veulent rester dedans parce que, voilà, ils ont leur salaire à la fin du mois et finalement, ces gosses, ils sont quand même paumés, hein, donc une couche de plus ou une couche de moins. Mais ces gosses, ils sont finalement... tu penses à l'école, là ? L'école ou même les institutions. Quand tu as, je ne sais pas moi, allez, je prends un exemple qui me passe par la tête, un home des enfants du juge, ils sont quand même dans ce truc. Alors finalement... on s'en fout un petit peu, mais c'est encore ce truc de conscience. Si j'ai pas conscience de l'impact de ce que je fais, de l'individu qui est en face de moi, qui est en souffrance, mais comment je peux travailler, quoi? Mais combien de gens ne sont pas là, la face voilée, à faire comme des robots ce qu'ils font, en oubliant qu'en face, c'est un être humain. Donc cet être humain, ben, voilà, ça peut être mon enfant. Enfin, c'est un être humain, quoi. Après... Ça me fait penser, alors on va croire que je suis vraiment une grande catholique, mais pas du tout. Mais je pense par exemple à Jésus qui, à un moment, j'avais lu ça, on frappe à la, il donnait un enseignement dans une maison, et on frappe à la porte, et c'était sa mère, Marie. Et il la considérait exactement comme toutes les autres personnes qui étaient avec elle. C'est pas parce que c'était sa mère qu'elle avait plus d'importance. Mais voilà, si on revient à un message un peu de... l'être humain qui est à côté de moi a autant de valeur que l'autre être humain qui est dans ce home pour enfants du juge, ou bien pour l'homme qui dort dans mon lit. En fait, on a tous la même valeur, quoi. Mmh. Voilà, donc après, c'est une question de regard et de ce qu'on fait, quoi. Mmh. Vraiment. Il y a une phrase comme ça, on est tous frères et sœurs, c'est quelque chose de chouette, mmh, comme phrase. Et puis, je réagis aussi, mais moi, je suis d'accord, la conscience... Mmh. Ok, la conscience, mais on ne peut pas tout le temps être conscient quand même. Ah ben non, on ne peut pas tout le temps être conscient. Et moi, je ne suis pas consciente tout le temps. Malheureusement, j'aimerais bien être consciente tout le temps. Ben, peut-être que le Dalai Lama l'est et que Bouddha l'était, bien sûr. Puis bon, il y a le quotidien, tout va très vite. Et il y a toute une partie de choses que je fais aussi avec très peu de conscience et de façon très automatique, hein, clairement. Mais voilà, l'idée, c'est de se dépasser aussi pour soi-même et d'avoir de plus en plus de conscience, surtout quand on se prétend donner un message à quelqu'un. Il faut aussi quelque part être un exemple. Et même si ce n'est pas toujours simple, voilà, c'est tendre vers. Et tout le monde, évidemment, personne n'est parfait, évidemment, et moi la première, au secours. Mais voilà, c'est de trouver du plaisir là-dedans et chacun trouve du plaisir où il veut. Et moi, bon, bah, c'est un peu là-dedans, quoi, quand même. Tu prends ton pied dans la conscience, toi. Ouais, à fond. En fait, oui. C'est comment, en fait? C'est comment la conscience? Comment tu prends ton pied dans la conscience? C'est comment? C'est un état d'harmonie à un moment. Donc, quand je me sens en osmose avec la personne qui est en face de moi et qu'on est tous... qu'on parle le même langage et que l'autre comprend ce que je lui dis et que du coup on crée comme ça une harmonie, voilà, ça c'est pour moi, ça c'est le pied. Bon, après ça dure pas, hein, on retombe, hein, dans le quotidien, dans la non-harmonie, et puis c'est rechercher un état d'harmonie constamment. Mais bon, ça c'est la vie, hein, à partir du moment où on est en vie, ça bouge, hein. Quand on sera mort, ça bougera moins, hein, ça c'est clair. C'est pas sûr, ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien, c'est vrai qu'on n'en sait rien. J'ai discuté de ça récemment sur la mort. On vit différemment les uns. Enfin, il y a quelque chose d'universel qui nous relie tous, mais en même temps, ta vie n'est pas la mienne. On parle de conscience, ta conscience n'est pas la mienne. Des fois, ma conscience rejoint une conscience, génial. Et puis, voilà. Ouais, mais donc, peut-être la mort aussi, ça fait partie de... Tu vois, c'est pas la mort, ce serait peut-être différente... manières de vivre qui font qu'on meurt de différentes manières aussi, peut-être. Tout à fait. Tu m'as suivi? Oui, je t'ai suivi. Très, très bien, je t'ai suivi. Là, on commence à voler un petit peu haut, donc on va garder bien les pieds sur terre. Moi, je dis toujours les morts avec les morts et les vivants avec les vivants. Alors, certaines personnes disent que finalement, la vie, ça n'est qu'une pause entre deux états qui sont plus éthérés et que la vraie vie, elle est ailleurs et dans des taux vibratoires beaucoup plus élevés. Voilà, en même temps, j'en sais rien. Et c'est vrai que faire cette expérience de l'incarnation, de la vie, du corps, de la souffrance, des émotions, des obligations, de la société, de ce micro, toutes ces expériences-là, ben, finalement... C'est comique pour moi, je trouve ça comique. C'est finalement qu'un grand jeu, tout n'est qu'un jeu et peut-être qu'on se prend aussi trop au sérieux et que le sérieux c'est justement ce qui vient après la mort, on n'en sait rien hein, et que là on est là pour jouer, faire des expériences, alors il faut en profiter quoi, tout simplement, cette magnifique pièce de théâtre en fait. D'accord, on est dans le théâtre là. Mais dis-moi Aude, parce que bon voilà, tu parles si tu as envie, hein, moi je... mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, comme ça, t'es choisi ce chemin-ci d'aller vers les gens pour réveiller ta conscience, la conscience des autres. Qu'est-ce qui fait que sur ton chemin, t'as eu envie d'aller vers ça ? Alors, au départ, c'était un mal-être. Clairement, je ne me sentais pas bien dans ma vie, je ne me sentais pas bien dans mon corps, je ne me sentais pas bien avec les gens, je me trouvais tout à fait extraterrestre souvent. Moi, je me sens encore, mais j'accepte maintenant. Et donc, j'ai cherché qu'est-ce qui n'allait pas chez moi, qu'est-ce qui faisait que dans telle situation, je me sentais super mal. Et donc, de fil en aiguille, j'ai trouvé cette fameuse casserole dont je parlais tout à l'heure. J'ai trouvé ce qui n'allait pas chez moi, dans ma petite histoire, dans ma petite enfance à moi, et qui est quand même pas top. Et donc, sur ce chemin-là, j'ai en même temps trouvé ma part d'ombre, mais j'ai en même temps trouvé ma part de lumière. Et on dit souvent que c'est dans l'ombre qu'on trouve sa lumière, et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai trouvé cette pépite qui est la mienne et qui est cette fameuse... boucle de conscience qui fait que je vais tout le temps aller chercher, tout le temps aller sentir, tout le temps aller regarder comment je sens les choses et comment un tel réfléchit et pourquoi telle personne a fait ça. Donc ça a l'air très mental, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment une boucle entre mon ressenti et ma conscience, mes connaissances. Et voilà, cette petite boucle s'est mise en route toute seule, j'ai envie de dire comme ça, et elle grandit aujourd'hui. Alors le défi pour moi, parce que j'ai beaucoup fait tout ça, beaucoup cherché à mettre des mots sur les choses, de la conscience sur ce qui m'habitait moi. Donc il y a un moment, il faut arrêter. C'est clair qu'il y a un moment, on arrive au bout de ça. Et même si les gens se disent, on n'arrive jamais au bout, ce qui est important, c'est le chemin. Si, il y a un moment, on arrive au bout. Et si on va plus loin, c'est même dangereux. Et donc, c'est de se poser avec ça, de se dire, ben voilà, moi, j'ai quand même toute cette route récolté pas mal de fruits. Et donc, ces fruits, maintenant, je peux en faire profiter les autres. Ça ne veut pas dire que je suis arrivée au bout du chemin, hein, que je suis dans un état méditatif au-dessus d'une montagne, pas du tout. Mais je prends le défi d'accepter mon incarnation et ce que je vis au quotidien et avec mes petits fruits, essayer d'aller semer des petites graines avec ce que j'ai là. Et puis voilà, sans trop me poser de questions, sans plus trop me poser de questions, et juste être en lien, parce que c'est ça, c'est moi, je suis je vais aller rencontrer un autre je et on va voir un petit peu ce qui se passe, quoi, hein, sortir un petit peu du tri pipi-caca, moi et mon nombril. Pour aller voir un peu qu'est-ce qui peut se passer dans l'interaction et qu'est-ce que je peux apporter moi là-dedans et qu'est-ce que l'autre peut m'apporter aussi, parce que on en parlait toutes les deux avant que tu branches ton micro l'autre c'est aussi une autre connaissance, une autre conscience, mais voilà, qu'est-ce qu'il a à m'apporter, qu'est-ce que moi j'ai à lui apporter, on est tous différents, donc moi j'ai des pommes, toi t'as des poires, super, ben, faisons de la compote quoi, ou de la macédoine, que sais-je, ça dépend. Moi, ce que j'ai souvent vu aussi avec les gens comme ça qui ont une certaine connaissance de soi et puis qui se disent aussi connaisseurs des autres, parce que c'est là que ça devient délicat, dangereux, c'est une certaine... moi, je trouve qu'il faut être très, très humble, en fait, quand on fait ce métier comme tu fais, parce que j'ai souvent vu des gens prendre le pouvoir comme ça. Et ça ne donne pas des belles personnes pour finir, parce qu'elles se croient au-dessus des autres. Et en fait, ce n'est vraiment pas la bonne position. Mais il faut faire gaffe avec ça. Qu'est-ce que tu en penses de ce que je te dis là ? Mais je connais ce que tu dis là, parce que c'est vrai que c'est facile de tomber là-dedans, puisque l'autre qui vient, donc je prends dans mon cabinet par exemple, il vient me consulter parce qu'il n'est pas bien, il me donne son pouvoir à un moment, et j'aurais facile de le prendre et de le manipuler. Et donc c'est vraiment un message que je donne tout le temps, c'est vous êtes libre. Si à un moment ce que je fais ne vous convient pas, ça s'arrête tout de suite. C'est vous qui venez me chercher, je ne suis qu'un outil sur le bord du chemin. Et en effet, c'est cette boucle-là, c'est amener la conscience à l'autre pour qu'il puisse lui-même aller sentir ce qui est bon pour lui. Et je vais même jusqu'à amener la personne à estimer elle-même, pour certains soins que je donne, qu'est-ce que ça vaut ? Pour que la personne s'interroge vraiment, quoi, pour que je ne prenne pas le pouvoir, justement, sur l'autre. Et ce serait très facile. Ce qui m'a permis de faire ça, c'est de recevoir l'étreinte d'Amma, hein, ce maître spirituel indien, où finalement, dans cette étreinte, il n'y a plus rien. Et là, j'ai pu sentir toute ma part d'ego et toute ma part de pouvoir, justement, et de désir du pouvoir, quoi. Que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec le collectif dans lequel je suis, hein, les Tisranes, où on est passé vraiment d'une, je vais pas dire philosophie du pouvoir quand même, mais d'une façon d'être dans le pouvoir malgré nous, pour être vraiment au niveau du cœur et que nos actes soient guidés par notre cœur d'abord, quoi. Et donc voilà, et c'est vrai que je reste toujours vigilante à ça, mais je le communique et je... Voilà, moi ça m'intéresse pas, quoi. Je suis vraiment d'une humilité profonde, même si ça veut pas dire non plus ne pas savoir ce qu'on vaut. Je sais ce que je vaux, j'ai une bonne estime de moi, et à côté de ça, je peux aussi être humble. Être humble, c'est pas se rabaisser, au contraire. Plus je vais être moi, bien avec moi-même, plus je peux aider l'autre de façon juste, évidemment. C'est rigolo que tu parles que pour toi, ça fait écho de parler de humble et de inférieur. Et d'inférieur. Ouais. T'aurais peur que si tu lâches le pouvoir, tu te sentes inférieure ? Non, je n'ai pas peur de lâcher le pouvoir et de me sentir inférieure de fait d'avoir lâché le pouvoir. Pas du tout. C'est souvent une vision qu'ont les gens de l'humilité, que c'est être moins que. Ça me fait penser à un mouvement dans les constellations familiales où on s'incline. Et souvent, s'incliner, c'est juste voilà, reconnaître ce qui est. Et souvent, les gens ne veulent pas faire ce mouvement-là parce qu'ils pensent que c'est se rabaisser. Alors que non, c'est juste reconnaître ce qui est. Et donc oui, j'ai chez moi cette petite balance où j'oscille entre complexe d'infériorité et complexe de supériorité. Ça, c'est une de mes failles, je peux dire, d'incarnation, et je dois être vigilante à ça, évidemment, parce que je sois dans l'un ou que je sois dans l'autre, je ne suis pas à la bonne place pour aider. Mais ça, c'est quelque chose qui se travaille, comme je disais, on n'a jamais fini, hein, que ce soit dans un domaine ou dans l'autre, il y a toujours moyen de perfectionner les choses, et oui, il faut être vigilant, bien sûr. Surtout quand on se targue d'aider l'autre et de soigner l'autre, bien sûr, quoi, bien sûr. Moi, j'aime bien cette discussion-là, de complexe d'infériorité et complexe de supériorité, parce que moi, j'aime bien vraiment changer. J'ai l'illusion, la naïveté, l'idéal de changer les choses. Tu vois, moi, c'est là-dedans que j'ai envie d'être, voilà. Je ne dis pas, du coup, que je ne serai pas quelqu'un qui répète, hein, mais j'aime bien, quand je regarde derrière moi, mon trajet, mon histoire, c'est quand même... aller sur des sentiers pas connus, enfin voilà, c'est pas toujours facile à vivre d'ailleurs. Mais je lisais un bouquin récemment et je trouve que c'est une idée pour changer le monde aussi, changer les gens, se changer soi-même, hein, j'en fais partie, je ne me mets pas au-dessus. C'est ce complexe d'infériorité et ce complexe de supériorité. Le jour où on arrêtera, et même, allez, je caricature fort, hein, j'espère qu'on m'entend bien, que tu m'entends bien, c'est... la famille pauvre, je sais pas moi, classe sociale pauvre, on va dire, et classe sociale riche. Les jours où les gens qui sont pauvres cesseront de penser qu'ils sont inférieurs, on aura tout gagné, quoi. C'est clair. Parce que... Et le jour où les gens... ça, c'est plus classique. Les classes sociales pauvres aussi, hein, se sentent inférieures, les classes riches supérieures. Quand on aura vraiment profondément cessé de penser qu'on est inférieur ou supérieur, là, il y aura véritablement quelque chose qui va changer, quoi. C'est fameux, on revient à cette fraternité. Si mon frère est juste égal à moi-même, c'est tout, quoi. Et donc, c'est vrai que cette société véhicule le pouvoir, il est question juste de ça, par l'argent, par la sexualité, par l'apparence. Si j'ai, je sais pas moi, 60 kilos, que je suis blonde, je suis supérieure à toi qui est brune avec tes 70 kilos, au secours, quoi. Bien sûr que c'est autre chose. Mais bien sûr, voilà, c'est quelque chose à atteindre, évidemment. Mais ça, on pourra peut-être le faire que quand on aura touché... À des difficultés, c'est quand même malheureux. On dirait que l'être humain est obligé de passer par rayer le parquet avec ses dents pour pouvoir percuter des trucs, quoi. Alors qu'en fait, non, il suffirait d'ouvrir les yeux, tout simplement, et de ne pas passer par je me prends une rame dans la tronche pour dire ah, en fait, oui, ok, je vais changer mon état d'esprit et ma façon de voir les choses. C'est terrible, mais c'est encore fort comme ça, quoi. Ouais. Tu vois? Quand tu regardes le monde, nous, on est du côté des pays tranquillos, quand même. Hein. On a quand même, on n'a jamais vécu la guerre. Enfin, moi, toi peut-être. Non plus, non plus. Ma guerre intérieure, oui, mais non, la guerre, non. On a, voilà. On est bien en ayant grandi en Afrique. Je suis partie tout juste avant les événements à Kinshasa, là. Mais mon ami d'enfance a été en plein dedans. Donc ouais, non, c'est quand même des états limites où c'est ta vie, quoi. Donc, on revient vraiment à la valeur fondamentale, c'est la vie. Donc, soit tu me donnes la main et on court à deux, soit ça va pas aller, quoi. Bien sûr. Mais l'idée, c'était de dire ça. C'est nous, on a le cul dans le beurre, quoi, très clairement. J'ai perdu mon fil avec ça. Oui, il faudrait attendre qu'il y ait quelque chose de grave pour changer les mentalités. Mais non. C'est déjà grave. Mais oui, mais nous, bien sûr, c'est déjà grave. Mais c'est pas grave pour tout le monde. Enfin, je prends toujours dans ce cabinet des parents qui viennent et qui percutent pas, quoi, qui continuent d'être dans leur système. Et oui, les mois sont durs, mais tant pis. Hein, toi, tu sais pas finir ton mois, c'est pas grave, quoi. Moi, je sais le finir. Ok, tu vois, c'est... Fin... Mais quand tu parles de moi... D'argent, ouais. Je parle d'argent, quoi. Je parle encore de cette valeur-là, puisque c'est, comme tu dis, on est dans des pays tranquillos, on a l'électricité, on a de l'eau, on a le train, une voiture, même si tout le monde a du mal financièrement, personne ne percute. Et comme tu dis, c'est déjà grave. Si je prends l'argent comme un symptôme, c'est déjà grave. Il y a combien de personnes qui n'ont même pas le minimum? Voilà, après, on tombe dans des sujets, l'endettement, c'est terrible, quoi, bien sûr. Mais bien sûr que c'est déjà grave, bien sûr. J'aime bien ce que tu disais au début, on serait peut-être tous un peu prisonniers, du coup. Donc voilà, ça nous rend moins présents, moins là, à parler vraiment avec les gens. La peur aussi de dire. Moi, j'avais justement ça, tu parlais que c'était important de dire, mais est-ce que tu crois ? Qu'on peut tout dire ? Je crois qu'on peut tout dire, qu'il y a juste un bon moment pour le dire et peut-être une bonne manière pour le dire. Alors parfois, je suis à côté de la plaque parce que ce n'est pas le bon moment et je n'ai vraiment pas la bonne manière, mais il n'y a rien à faire, il faut que je le dise. Et donc là, je préviens, je dis, ce n'est pas le bon moment. Et je vais vraiment le dire comme une brouette, mais il faut que je le dise. Et donc, rien que de dire ça, les gens sont déjà préparés au pire. Et donc, finalement, ça passe. Et pour moi, c'est beaucoup plus important que les choses soient dites. Alors, évidemment, je pense qu'on ne peut pas tout dire et probablement qu'il ne faut pas tout dire. Et puis, c'est chacun avec sa conscience. C'est un grand débat, mais bon, là où rien n'est dit, où il y a tellement d'hypocrisie, ou même à quelqu'un qui vient passer une soirée chez moi, dans ma maison, je ne peux pas dire que... qu'elle se dispute avec son mari alors que moi j'ai préparé un repas pendant 2 heures avec tout mon amour, c'est un manque de respect. Si je peux même pas dire ça, mais au secours, quoi, évidemment. J'ai pas compris ton exemple. L'exemple, imagine, tu viens chez moi avec un amoureux et en fait vous avez un couple qui fonctionne pas du tout. Et moi j'ai passé mon après-midi en me disant chouette, Grazi, elle vient manger chez moi, je fais des petits plats, machin. Et en fait, t'en as rien à foutre, tu débarques et tu disputes toute la soirée avec ton gars et moi je suis là avec mes petits plats. Si je peux même pas te dire, écoute, Grazi, ça va pas, quoi. Moi, j'ai envie de passer un bon moment avec toi parce que t'es une amie proche, j'ai passé mon temps à cuisiner. Et alors, si je te dis, si je peux même pas te dire ça, que si je te le disais, tu partirais en claquant la porte ou tu me tirerais la tronche pendant 3 mois, mais qu'est-ce qu'on peut vivre, quoi. Mais bon, des exemples comme ça, j'en connais plein. Et... Je te dirais que j'ai pas choisi hein, de me prendre la tête avec mon chéri ce soir-là, j'ai pas fait exprès. Ouais, c'est ça, mais tu pourrais l'entendre, tout simplement. Et puis moi, je l'aurais dit, puis toi, tu saurais, pour la prochaine fois, tu prendrais plus chéri avec ou on trouverait une autre solution. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est juste de pouvoir se dire les choses sans que ça ait des répercussions non plus de... tragique, là, tu sais, au secours, qu'est-ce qu'elle m'a dit, oui, oui, oui, je vais téléphoner à mon autre amie qui la connaît aussi, et oui, oui, oui, on est parti, quoi. Ouais. C'est comme on n'a pas l'habitude de dire, du coup, quand on dit dans certains milieux, on ne dit pas, oui. Ça devient dingue. Oui, voilà, là, c'est un exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Si le petit garçon qui vient dans mon cabinet colle ses crottes de nez en dessous de ma table et que je ne peux même pas lui dire, écoute, ça ne se fait pas, que la mère va péter les plombs parce que j'ai fait une remarque à son fils, ben, où on vit, quoi. Quoi, t'as vécu ça ? Non, parce qu'il était parti quand je me suis rendu compte qu'il avait les crottes de nez. Donc voilà, mais c'est un exemple, mais ça peut, c'est autre chose, quoi. Enfin, j'ai d'autres exemples, mais que je ne voudrais pas donner à ton micro, mais voilà. Voilà, oui, non, il y en a plein des exemples comme ça, où finalement, bah, celle qui dit, c'est souvent moi qui dis, allez, peut-être... plus trop se frotter, parce qu'elle, elle dit les choses, donc je suis un miroir aussi pour les gens, donc, mais qui a envie de se regarder aussi, tu vois, donc c'est pas toujours facile à porter ça, hein, d'être une conscience ou d'être une petite facette de la boule à facettes qui va renvoyer quelque chose de pas chouette, mais je renvoie aussi des trucs très chouettes, hein. J'arrête pas revaloriser en plus les petits, quoi. Et même les parents diront, quand tu fais ça, c'est chouette, quoi. Wow, je suis bluffée. Je fais pas que appuyer là où ça fait mal, hein, clairement, quoi. Et tiens, on arrive tout doucement à la fin. Est-ce que ce serait comment je dirais ça, la pensée libre, une liberté de penser que de dire? Est-ce que ça ferait partie de... Le fait de dire, bah, c'est avoir aussi une façon de penser qui est libre, en fait. Voilà, je le dis sans pour cela blesser, mais simplement parce que c'est important de dire, voilà. Mais je pense que c'est important que les choses soient dites. Maintenant, en effet, je disais tout à l'heure, on ne peut pas tout dire parce que voilà, il y a l'autre en face, il y a la façon dont on va le dire, il y a le moment où on va lui dire. C'est pas dire pour dire, pour se décharger, parce qu'alors je suis dans un désir entre guillemets égoïste de décharger mes brôles. C'est pas ça. C'est pas dans cette démarche-là que je suis. Mais je pense que si les choses peuvent être juste dites et point, que ça n'ait pas des conséquences non plus. Qu'éveiller une conscience, encore une fois, c'est de dire, ah ben tiens, oui, quand tu viens manger chez moi, que j'ai passé 2 heures à cuisiner, ah oui, c'est vrai, elle a cuisiné pendant 2 heures, ah ben donc elle m'aime vraiment, cette amie-là, elle a pris le temps, elle a mis 3 branches de coriandre sur son sushi pour me faire plaisir, parce qu'elle sait que j'aime ça, genre de conneries, tu vois, mais que les gens, finalement, sont là, avalent les sushis, se rendent même pas compte de tout le temps que ça a pris, et de tout ce qu'il y avait là, en plus, dans juste cette préparation de cette rencontre. Donc c'est de la conscience, jusque dans les petites choses, et tout doit pas être dit, bien sûr. Mais voilà, je pense que si les choses étaient déjà dites aux enfants, déjà, rien que dans des familles, si on pouvait tout dire à un bon moment, je pense que ça éviterait pas mal de choses. Les mots de la fin, je te les laisse. Allez, donc je voudrais juste peut-être dire que rien n'est grave. Que peu importe ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu dire, l'important, c'est d'être bien avec soi-même. Et je vais juste dire ça. Voilà. Au fond de ma bouteille, un petit diable veille, pas plus gros qu'une abeille, plus noir qu'une corneille. Et sa voix qui zézeille susurre à mon oreille les plus sales conseils déguisés en merveille. Un petit diable veille au fond de ma bouteille, me fait impératrice et me donne un royaume de sentiments factices, d'ivresse polychrome. Et pour guider mes pas, j'ai de nobles amis, Lady Margarita et Miss Bloody Mary. Et quand mes courtisans me promettent le ciel, je les crois vraiment quand ils disent que je suis belle. Mais